Qu'as-tu fait pour Dieu aujourd'hui, mon fils? Aujourd'hui, j'ai remis son existence en question. Et mon nombre de blasphèmes s'élève à 500 000. Je ne veux pas croire en l'existence d'un Dieu hypothétique. Je ne veux pas me plonger dans des croyances bibliques. Je ne veux pas suivre un dogme religieux. Non, je ne veux pas croire en l'existence d'un Dieu. Je ne veux pas me battre au nom d'une croyance. Surtout pour oublier le principe de tolérance. Obéir aux règles divines seulement quand ça nous arrange. Voilà une pratique de la religion que je qualifierais d'étrange. Qu'as-tu fait pour Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai égorgé un cochon en tournant le dos à la mosquée. Et mon nombre de blasphèmes s'élève à plus d'un millier. Je ne veux pas me courber devant un Dieu hypothétique. Je ne veux pas obéir à des préceptes archaïques. Je ne veux pas me plier à des dogmes religieux. Non, je ne veux pas reconnaître l'existence d'un Dieu. Je ne veux pas mourir au nom d'une cause incertaine, alors qu'un millier d'autres causes en valent bien plus la peine. D'ailleurs, votre Dieu aspirait à ce que l'on s'aime et appelait à la tolérance. Alors pourquoi toute cette haine? Moi, pour Dieu, je ne ferai rien tant qu'il ne me demandera rien. J'appliquerai cependant le respect et la tolérance qui me semble être de la plus haute importance. Si je dois admettre qu'un Dieu existe, alors je serai purement janséniste. Si je dois admettre qu'un Dieu existe, alors je serai purement janséniste. Si je dois admettre qu'un Dieu existe, alors je serai purement janséniste. Et si je dois admettre qu'un Dieu existe, alors je serai purement janséniste.